profil perdu par Paul Bourget. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Comme il est tendre et triste et plaintif délicieusement, ce vers des fleurs du mal, adressé par le poète à une passante qu'il n'a sans doute jamais rencontrée une seconde fois, mais qui n'a ainsi dans son souvenir les profils perdus de quelques femmes entrevues une heure ou simplement devinées, à travers les mots d'une confidence, par-delà les détails d'une anecdote. Il arrive qu'à de certaines minutes, ces profils perdus font le meilleur charme des rêves. N'ont-ils pas cet attrait de représenter l'indéfini, c'est-à-dire le possible, c'est-à-dire la réparation de la douloureuse réalité? Ces passantes, du moins, ne nous ont pas torturés comme les autres, les trop connus. Et dans les minutes de fantaisie tendre et légère, n'y a-t-il pas une douceur apaisante à évoquer ces mystérieuses, ces vagues amies de l'imagination, pour oublier celles du souvenir? Voilà pourquoi je détache du cahier de notes intimes ces pages éparses, dédiées à toi, mon cher Henri, à ceux qui se répètent parfois avec des larmes, le vers, pour moi divin, « Ô toi que j'eusse aimé !» Chapitre 1er. Amitié de femme. Notre Victoria filait, presque céleste, le long de l'avenue qui mène au lac. Les soleils de la fin de février font courir dans l'air un demi-frisson de printemps nouveau. Un peu du froid de l'hiver, presque disparu, flotte encore dans le bleu pâli du ciel. Un peu de la tiédeur de la saison prochaine alanguit la brise. C'est une impression de convalescence qui trouble sans griser, impression fugitive qui dure 8 jours dans l'année et que nous goûtions, Georges André et moi, en épicurien, friands d'heures exquises. Et n'était-ce pas une rencontre rare des conditions favorables à la causerie, deux amis du même âge et qui ne se jugent plus, afin qu'aucune pointe d'amour-propre ne perce sous la familiarité des confidences, une journée de jolie lumière et de belle santé, afin que l'heureuse humeur égaye le sentimentalisme de ses confidences, et une voiture découverte, allègrement enlevée par un cheval qui trotte juste, afin que l'intimité du at-home roulant s'accompagne de toutes les menues distractions du coup d'œil, et que le petit cinglement de l'air vif donne un alerte éveil aux idées, comme il donne un alerte éveil au teint des promeneuses. Les coupés allaient et venaient, pas très nombreux encore. Je m'étais laissé rouler dans ce que Stendhal a si finement appelé le silence du bonheur, et j'écoutais mon compagnon songer tout haut. Nous venions de parler de la jalousie, et s'abandonnant au bercement de la voiture, il évoquait une femme absente dont mes yeux voyaient, au fur et à mesure de ses phrases, le profil singulier se détacher devant les coquettes maisons d'abord, noyées d'une transparente vapeur d'aquarelle, puis devant les massifs dépouillés dont les branches brunes s'effilaient le long des allées. S'il y avait une personne que je fusse assuré de ne pas aimer de passion, me disait-il, certes, c'était cet invisible ami que j'ai caché à toutes vos curiosités, si bien caché que je te confondrais de stupeur en la nommant. Et laisse-moi poser le loup d'un faux nom sur ce visage que tu as rencontré 100 fois. Mettons qu'elle s'appelait tout uniment Thérèse. Elle était assez grande, élancée et brune, et de tout son être se dégageait le charme d'une infinie fragilité. Depuis la ligne sinueuse de sa joue un peu trop mince jusqu'à la sveltesse élégante de sa cheville un peu trop grêle, tout en elle était gracieux et souple et presque enfantin, et de cette créature, d'une délicatesse attendrissante, un effluve de passion s'échappait pourtant par les yeux noirs et la bouche rouge. Ses larges prunelles nageaient dans un fluide qui disait la vie profonde. L'afflux du sang colorait ses lèvres mobiles qui découvraient des dents carrées. Elle donnait la sensation de deux tempéraments fondus en un seul. Derrière l'idéal et mélancolique et discrète amie, l'imagination rêvait une heureuse, une vive, une voluptueuse complice. Mais cette seconde femme sommeillait encore dans la première, éclatant à peine par des fusées d'une gaieté bruyante, aussitôt réprimée. En ce temps-là, j'étais plus dégoûté que jamais des âcres et corrosives sensations de l'adultère. Une fois de plus, je venais d'en goûter toute l'amertume, dans une liaison longuement traînée le long d'une stérile année de ma jeunesse. Et le hasard, m'ayant rapproché de Thérèse, je m'étudiais à faire de cette intimité un je ne sais quoi de supérieur à tout ce que j'avais connu. depuis que je me promenais à travers les aventures galantes, un célibat sans scrupules et une fantaisie sans assouvissement. Je me disais qu'un certain degré de satisfaction blasée, la caresse physique, est de la femme ce qui nous intéresse le moins, que les troubles de la passion dérangent le bon ordre de l'existence matérielle et morale, en même temps qu'ils déveloutent la rêverie. Être le premier amant d'une femme, c'est se préparer d'angoisse en remords, quand on a de l'âme. Être le second, c'est s'exposer à des rancœurs cruelles, quand on est tourné vers l'analyse et qu'on se représente tout ce qui fut avec une précision implacable des souvenirs. Tout cela n'arrête pas quand on aime, c'est la rançon des heures de délire. Mais quand on n'aime pas, et j'avais bien constaté que je n'aimais pas Thérèse, le mieux n'est-il point de ne pas aimer à aimer, et d'imposer silence au conseil de l'amour-propre qui nous chuchote tout bas que nous sommes dupes de respecter celle qu'un plus brutal enlèvera. Être l'ami, mais sûr, mais sans désir, mais sans vanité, n'est-ce pas une adorable façon de respirer ce fin parfum qui émane de la personne d'une femme élégante et jeune, comme de son mouchoir de linon, parfum qui flotte dans le coin préféré de son petit salon, qui se retrouve dans ses livres de choix, dont la buée tiède que par les jours d'hiver on voit soulever doucement sa voilette. Pénétrer avec elle, et sans qu'elle ait peur, dans cet univers de sensations rares qu'est sa vie, jouir d'elle exactement comme d'une fleur non cueillie qu'on laisse à sa branche, sans seulement secouer du bout des doigts les gouttelettes de rosée qui tremblent au bord du calice, la voir toute vraie, puisqu'elle n'a pas besoin de vous mentir pour mieux vous séduire. Je plaindrais, jeune homme, que n'aurait pas tourmenté ce songe d'une affection aussi loyale qu'une amitié mâle, mais plus tendre, mais sentant bon, si je peux dire, une amitié à l'Est-Bouquet ou au White Rose. Et je réalisais ce songe journée par journée comme les belles mains de Thérèse faisaient leur tapisserie d'alors point par point. Son mari était, mais si je te dis sa position sociale, tu sauras son nom. Un second mystère, après le premier, ce sera la dentelle noire qui sert de barbe au loup de satin noir. Toujours est-il que le mari de Thérèse lui laissait pleine liberté de vivre comme elle l'entendait. Aimait-il ou n'aimait-il pas sa femme? Fut-il jaloux par premier instinct, puis confiant par observation? Ou bien estimait-il assez mon amie pour ne pas la soupçonner, même devant d'étranges apparences? Toute question que je ne me suis guère posée que depuis, car je m'abandonnais alors tout entier au charme de cette liaison, que j'eus le souci de faire clandestine comme une faute, quoiqu'elle fût innocente comme une naïveté, pour qu'aucun mauvais propos n'en troublât la profonde douceur. Ce fut d'abord une éducation de son esprit, qu'elle avait très vibrant, mais sans grande instruction. Ne trouves-tu pas que cette ignorance où nos couvents tiennent de jeunes filles françaises a quelque chose d'exquis pour nous autres, les maris, les amants ou les amis de demain? Car elle nous laisse une intelligence neuve où graver les mots qui nous plaisent. Je lui prêtais les livres que j'aime, et je les aimais davantage à les relire chez moi aux heures où je savais qu'elle les lisait chez elle, dans la pièce où elle se tenait, et dont peu à peu la figure extérieure se transforma au gré de mes désirs. Je courus les magasins avec elle ou pour elle. Ce petit salon devint un endroit unique, où son goût de femme corrigeant, attendrissant mon goût de dilettante, imprima aux objets un caractère de poésie réelle, pour moi désormais inoubliable. Que d'heures j'ai passé à deviser dans cette atmosphère, d'où l'émotion entêtante était bannie, comme un bouquet aux odeurs trop fortes. Je lui contais tout de ma vie, elle me disait beaucoup de la sienne. Ce m'était une indicible volupté que de poursuivre à travers les gestes de la femme de 30 ans, à travers ses idées, à travers ses sourires, les idées, les sourires, les gestes de l'enfant qu'elle avait dû être, de la jeune fille que j'aurais peut-être aimée d'amour. Car celle d'aujourd'hui, encore une fois, je ne l'aimais pas, et je ne pouvais pas l'aimer. Laisse-moi me perdre dans ces nostalgies. Ce paysage du lac que nous regardons maintenant, ces sapins immobiles, ces eaux tremblotantes que sillonnent les barques, où volettent les oiseaux, combien de fois ai-je regardé tout cela en sa compagnie? la rencontre ici à des heures moins mondaines. Les corbeaux posés là-bas sur les arbres, comme une poussée de fruits monstrueux, nous les avons entendus croasser combien de fois. La veille, surtout, de notre séparation d'été, par un bleu et joli matin, nous nous promenions au bord de ce lac, sur l'étroit sentier dont le lacet court au ras de la berge. Je l'écoute encore, disant de sa voix d'enfant mutine, « Que vais-je devenir sans vos conseils? Mais vous m'écrirez un peu tous les jours. » Ses regards noirs riaient à demi-moqueurs, à demi-tendres, dans l'ombre portée sur eux par son chapeau. Sa robe ajustée serrait sa taille allongée. Sa bouche rouge faisait une moue qui donnait envie de la mordre comme un fruit. Je ne sais quelle flamme éclaira ses yeux. Je ne sais quelle ondée de sang empourpra ses lèvres, comme appelant d'autres regards, comme invitant à d'autres paroles. À diverses reprises, j'avais senti ce frissonnement passer en elle. Mais qu'aurait-elle gagné et que n'aurais-je pas perdu à faire avorter en intrigue notre idylle de confiance et d'estime si hardiment et invraisemblablement conquise sur les banales relations du monde? Et je lui dis adieu, pas très loin de cette place, après lui avoir ouvert la portière d'un vulgaire et pourtant honnête fiacre que je refermais sur elle en baisant le bout de sa main gantée. Juste de quoi me faire sentir à moi-même qu'elle était une amie. Ni rien de moins, ni rien de plus. Sautons 4 mois comme dans les romans. Elle allait à Saint-Moritz, puis dans un château. Moi, tout bourgeoisement, j'allais faire une retraite en province, auprès de l'oncle qui m'a depuis légué de quoi avoir cette Victoria et mon coupé. Thérèse et moi, nous nous écrivions comme il était convenu. Puis ces lettres se firent moins avenantes, moins libre, moins fraternel. Croiras-tu que cela ne me causa pas trop de peine? Elle ne manquait aucun des besoins essentiels de ma sensibilité. J'avais porté son amitié comme on porte une bague. Qu'elle soit au doigt ou dans la coupe aux bijoux, en a-t-on moins la bague et en vit-on moins heureux ou moins tranquille? Je me disais, notre amitié est une mode d'hiver comme les fourrures, ou de printemps comme les chevauchés au bois le matin. Et puis, quand cette intimité d'une saison, le tout avait duré depuis décembre jusqu'à la fin de juin, serait finie, le souvenir seul vaudrait qu'on n'en regrettât pas une heure. Il est si rare qu'une femme ne vous laisse pas d'elle seulement de quoi la haïr ou vous mépriser. C'est dans ces dispositions fort philosophiques, ainsi que tu vois, que je sonnais à la porte de l'hôtel habité par Thérèse, précisément le lendemain de mon retour à Paris, et ce, par le plus amical des ciels d'automne, un ciel attiédi et pourtant voilé. Le coup de cloche qui annonçait les visites retentit avec le son d'autrefois. Le même domestique me débarrassa de mon pardessus avec les mêmes gestes et la même prévenance, et quand j'entrai dans le petit salon, Thérèse me tendit la main avec la même douce et désintéressée façon de me recevoir qu'elle avait l'autre année. Je la trouvais plus belle et un peu plus animée de teint. Ses yeux, surtout, nageaient dans un fluide plus vivant encore, et la rouge blessure de ses lèvres semblait empourprée d'un sang plus chaud. Mais les étoffes qui servaient de cadre à sa beauté n'avaient pas foncé leurs nuances. Mais les tableaux aimés étaient toujours à la même place. Mais, en prenant, comme je faisais jadis, le livre où luisait le coupe-papier en or, je reconnus qu'il était d'un des auteurs préférés par moi. « Ah, je suis bien heureuse, me dit-elle, après les premières phrases de causerie. Vous êtes toujours mon ami. » Pour toute réponse, je lui baisai la main. « C'est que je vais vous présenter quelqu'un dont il faudra que vous soyez aussi l'ami, comme de moi-même, » ajouta-t-elle, avec un si fin sourire que je n'eus pas besoin d'une confidence de plus pour tout comprendre. Comment t'expliquer l'atroce crispation du cœur que m'infligea cette simple parole? Je te le répète, je n'aimais pas Thérèse, et je te donne ma parole que j'eusse été fort embarrassée si elle m'eût subitement avoué qu'elle m'aimait moi, autrement qu'elle ne m'avait aimé jusque-là. Pourquoi donc cette jalousie soudaine m'étreignait-elle aussi âpre que si cette femme eût été ma maîtresse? Pourquoi ressentis-je un accès d'une rage affolée à entendre un coup de la cloche d'entrée retentir de nouveau et voit la silhouette d'un jeune homme se dresser dans l'entrebâillement de la porte. Oui, toute la torture de la jalousie, je la subis à cette minute, et de la jalousie sans amour. C'est là ce que je voulais te faire comme toucher au doigt. Le personnage, que du premier coup d'œil, je dévisageais comme le type d'une race qui est le contraire de ma race à moi, venait s'emparer de cette femme que j'avais façonnée et de cet intérieur que je lui avais aménagé comme son écrin naturel. Je suis frêle et nerveux, il était sanguin et musclé. Je suis châtain, il avait des cheveux et une barbe d'un noir intense. J'ai la voix un peu sourde, presque basse, il riait et parlait très haut. J'avais caressé l'imagination de Thérèse, il ensorcelait ses sens. Il était l'homme qu'appelaient ses yeux brûlants, cette bouche rouge. Il me regardait presque amicalement, avec cette certitude et cette fatuité d'un maître et seigneur de par la chair. Elle me regardait, elle, tout joyeusement et presque sans malice, si toutefois une femme peut ne pas sourire de malice en ces moments-là. Sa double nature devint transparente à mon angoisse, comme cet horizon lavé de ses nuages. « Et qu'as-tu fait ? » interrompis-je, car il se taisait. « Je n'y suis plus retourné, malgré de charmants billets de rappel, » fit-il. « Mais ai-je eu raison ? Je l'aurais empêché peut-être de prendre un second amant après le premier. Elle en est au quatrième aujourd'hui, et je crois par moments que j'en deviens amoureux. Je serais peut-être le cinquième si je voulais. Quoiqu'elle soit bien jolie, j'espère que non, ce serait trop triste. » Et nous continuâmes de causer, tandis que le soleil continuait de frissonner dans le ciel, que le roulement des équipages continuait de nous arriver avec un bruit d'océan lointain, et que les heures continuaient de passer, rapprochant sans doute mon ami et son étrange ami de l'aventure où ils laisseront encore un peu de ce qu'il leur reste de cœur.